y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Bonjour, c'est Gilles Sheps pour British Connection, pour le livre Iggy and the Stooges. Comment en suis-je arrivé là ? Adolescent, en manque de sensations musicales fortes, je recherchais de la musique pour m'éclater. Un beau jour, à l'écoute de Funhouse, les Stooges, j'en tomberai dingue, accro. Album séminal, la quintessence du rock binaire, en avance certainement sur son temps, je suis enflammé tout de suite par sa torche, par le jeu du guitariste Ron Ashton et la voix toute puissante d'Iggy, possédée de son leader. C'était un album écarlate pour les visages pâles que nous sommes, assoiffés de plaisir et de jouissance brute. Dès lors, je me sens investi d'une mission pour faire connaître les Stooges autour de moi. Stooges ? Mais à l'époque, on disait les Stooges. Amis, parents, famille, les meilleures légendes ne sont-elles pas colportées par le bouche à oreille ? Je devins celui qui ne tarissait pas d'éloges sur le fou de Détroit. La quête fut une véritable religion. L'attente de 3 ans entre l'album Funhouse et Raw Power me parut un siècle. Mais que dire du trou noir qui suit, long de 4 mornes années. Puis voici enfin, en 1977, l'année punk, où Iggy choisit méticuleusement de faire son comeback. Je serai modestement de l'aventure avec la création de son fan club français et son organe de presse « I Wanna Be Your Dog ». Transformant l'appartement familial en sanctuaire, dédié au divin Stooge. Depuis, j'ai toujours guetté la moindre sortie discographique, la moindre de ses apparitions scéniques, puis télévisuelles. Dans les 80s, entre parenthèses, car dans les 70s, ses apparitions télévisuelles tenaient plus de l'incantation. En 2019, c'est la parution de notre premier ouvrage en commun, au cœur du punk US, les archives du Iggy Pop Fan Club, se clôturant dans les années 80. L'idée était de lui donner une suite, jusqu'à nos jours. Nous y avons, avec Julien de l'Église, vaillamment travaillé. Nous y adjoignons un journaliste émérite en la personne de Serge Kagansky, qui venait des Arocs. Ce dernier avait à son palmarès, entre autres, 2 interviews fleuves du Master Pop, réalisées dans les mid-90s, reproduites fidèlement dans cet ouvrage, concoctées par les éditions du Layeur pour produire un tome des aventures d'Iggy et des Stooges. Leur catalogue nous a donné envie et nous avons accepté leur proposition d'élargir le champ de notre rock action en commençant par la naissance officielle des Fucking Stooges en 1969 jusqu'à aujourd'hui. Cet ouvrage, donc, offre pour la première fois la discographie exhaustive d'Iggy Pop en solo, des Stooges et de ses membres avec différentes interviews, chroniques de disques, chroniques de concerts. Ce livre se veut un tribut à ce frontman hors du commun, obsédant littéralement à travers les décennies plusieurs générations de rockers. J'espère que quand vous le lirez, vous aurez autant de plaisir que nous avons eu à le faire. Mais assez parlé, je vous propose d'écouter Not Right. Not right. I want some tonight. I want some alright. But she can't help, because she's not right. No. It's always this way. tonight. She wants some, she wants some. Alright. Oh, but I can't help, because I'm not right. No. Always this way. And it's always It's On The Rock, British Connection. Je vous propose d'écouter la version de Louie Louie, pas celle de Metallic K.O., le seul album live des Stooges paru dans les années 70, mais celle de American César. Louie Louie. Stooges se sont reformés en 2003 pour un album éponyme qui s'intitule School Ring et je vous propose d'écouter le titre de l'album. Thanks. le livre de Gilles Sheps, Iggy Pop and the Stooges, aux éditions du Layeur. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Dave Pretty, on peut considérer ce groupe comme psychédélique. Sans nouvelles depuis 20 ans, on peut peut-être considérer que le groupe est dissous. Dave Pretty dans British Connection, Winterland. Un chef-d'œuvre du rock, un chef-d'œuvre du punk rock. Ce sont les Damned avec ce titre Neurose, un classique de chez classique, de chez classique, de chez classique. Eh bien, figurez-vous qu'il est sorti 5 semaines avant Anarchy in the UK des Sex Pistols. Hein. Ils l'ont, voilà, le 22 août 76, sorti ce titre. Is she really going out with him?

British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine, c'est celui de Tim Chesley, The Last Blue Sky. Alors, Into the Light est une chanson que je dédie à mon épouse. Hein. C'est vraiment une chanson sur un peu notre histoire, comment on s'est rencontrés, les épreuves qu'on a traversées. C'est une chanson sur la vie de couple. Hein. Et ça, c'est pour la petite histoire. Et sinon, au niveau des influences, on a une grosse influence The Police, notamment le côté reggae et cette basse un peu chaloupée. Voilà, Sting et The Police qui ont toujours été une grande influence pour moi. Voilà.